a plein de trucs à passer ce soir, il paraît. Ça va, Célio ? Ça va et toi ? Oui ! C'est Pyongyang City Rockers qui recommence pour la numéro 420. Incroyable. Il paraît qu'il y a une symbolique rasta, pas reggae, une symbolique droguesque associée à ce nombre. Je n'ai malheureusement pas de reggae ce soir, contrairement à ce qui a été annoncé sur un certain réseau social. C'est pas grave, il y aura d'autres choses ce soir. Moi, j'ai beaucoup d'annonces de concerts. Vu que déjà entre vendredi, samedi et dimanche, ça le fait déjà demain. Et puis sinon, on verra. De toute façon, on est tout seul à deux parce que tous les autres, ils sont pas là, ils sont malades ou ils sont fatigués. Ça va pas du tout. Moi-même, d'ailleurs, tout à l'heure, j'étais subclaquant. J'ai bien failli ne pas venir. Je commence avec des Allemands de la très vieille époque, des années 80, Bluetooth Eisen, qui se sont séparés puis reformés. Puis maintenant, ils ont une chanteuse. Voilà un truc qui date de l'an dernier, fin 2025, je crois. C'est Darf Ischwagen. Puis-je me risquer à passer ce titre? Eh bien, je le puis. Voir si Bluetooth und Eisen, je répète pas parce que j'y arrive pas. On y va. Pas été voir GBH à Dunkerque ? Bah non, il n'y avait plus de place, c'était complet. C'était un petit peu couru d'avant, ça. Mais c'est bon, sûr. Il se passe à Arscott vendredi ou samedi, je crois. Okay. Bon, Arscott, c'est pas tout près, mais c'est quand même pas trop loin encore. C'est moins loin que Paris, je tiens à le signaler. Moi, je vais commencer avec un petit instant promo. Demain, au Black Lab, il y a Wascal, il y a Homefront qui passe. En concert, et ils vont partager la scène avec les Belges de Phare et les Arageois de Basta. C'est bien ça. Trois bons groupes, franchement. C'est ça. On devrait le faire. C'est la troisième date de leur tournée européenne pour la sortie de leur album Watch It Die. Et on écoute tout de suite Between the Waves de Homefront. Attends, Attendez, j'ai pas encore calé. Ah, j'ai été trop vite, pardon. Non, c'est moi qui ai Bayo Corneille. On me fronte. Passer à la radio, enfin dans les grosses radios. Ouais. Bref, pas nous quoi. Bon bah, aucune transition pour annoncer le concert qui aura lieu demain aussi, mais au BNR cette fois-ci. Il y aura les Allemands de Verrat et non pas Vera. Au début, je dis Vera, je dis ouais, bah c'est un cochon quoi. Mais en fait, non, Verrat ça veut dire trahison en allemand. Donc Verrat, il y aura aussi Ulrike's Dream, ou Vieux de la Vieille, et Rocogne, nouvelle prestation. Je crois qu'il est tout seul le gars. Il vient de Liège. Il fait du grind expérimental. Il y a une démo en ligne, là, ou un peu plus même, deux démos en ligne. Okay. Ouais, c'est du pot, hein. ouais, mais je ne sais même pas si, c'est, si on pourrait le passer ici. Déjà, je vais passer beaucoup de bruit là, vers la fin de l'émission. Donc pour l'instant, je me contenterai de passer Farrat. C'est déjà bien potinant. Plus jamais la guerre, avions-nous juré autrefois, mais cela n'a jamais cessé. Les morts et les meurtres. Au lieu de la fin de l'histoire, une nouvelle lutte pour le pouvoir a commencé. Idéaux trahis, serments rompus. C'est Zeichen 22, là. Changement d'époque, un truc comme ça, par Farrat qui passe demain soir au bout de nos rêves. Merci, Jean-Mi. De rien. Et Pure Gangsta Rockers numéro 420, il est 20h et. Attends, je... Il est 14 presque minutes. 20h et 15 minutes. Non, moi j'ai l'heure, la vraie heure elle est là, dans le coin, oui. On la voit pas. Il faut c'est presque ce la même en même temps. Ouais. Il est vrai. Moi je vais passer à un groupe qui s'appelle Orsini. Pour une fois, je ramène un groupe qui vient du Pays Basque. Petite dédicace à Gaël. C'est un groupe assez récent, leur premier LP va sortir en mars, mais il y a déjà un morceau disponible sur Bandcamp et on va pouvoir se procurer le LP en France chez Crapourlet Records. Et on écoute tout de suite Somos de Orsini. Bon bah voilà, c'est la fin d'une époque. Le dernier concert de Ulfi aura lieu ce vendredi à la Masure 14 à Tournai. Ils seront en compagnie de Crack Park, que j'ai passé la semaine dernière, et de Lethal Theory, que j'ai pas encore passé, mais ça va venir un jour. Puis ouais, donc c'est leur dernier concert. Et puis après ça, bah, ils se séparent, les garçons. Qu'est-ce qu'il va faire Yuki? Bah, il y a d'autres groupes. Qu'est-ce qu'il va faire Phil? Bah, il va faire d'autres groupes aussi. En tout cas, pour l'instant, voici Ulfi avec Les Âmes Chagrines. Sur Campus 106,6, puis on est sur Rockers, oi. Merci Ulfi, je continue. Aucune transition non plus pour passer à ce qui va se passer à Moucron ce vendredi. Il y aura la release partie de Direct Action, groupe hardcore punk. On trouve des gens qui jouent aussi dans d'autres groupes, Nation on Fire, Groink et tout ça. Il y aura aussi Scraps et Bavure pour assurer la présence française. En même temps, t'es à Moucron. T'es à moitié, tu sais pas trop si t'es en Belgique ou en France. Ouais, c'est clair. Voilà. Ça sera dans un bistrot qui s'appelle De l'autre côté, c'est rue Saint-Pierre numéro 10, de Mouscron. Ça commence à 20h, c'est entrée gratuite. Allez-y nombreux. Personnellement, je n'y serai pas, j'y serai à un autre concert qui va se passer en plein centre de Lille. Mais pour l'instant, voici donc Direct Action avec People Like You en attendant la release vendredi. Ça va pas du tout. Bonjour. Ça enchaîne trop vite. moi, je vais passer le morceau, un morceau du groupe Mixion. C'est un nouveau groupe de punk de Grenoble avec des membres de Mascarade ou encore Maudit Dragon. Ils ont sorti leur première démo qui s'appelle Premier Jet. Ils sont passés d'ailleurs au CCL cet été avec Turquoise, Gutter et Mère Mortale. Ouais, chez Taubira. Ouais. Et le groupe est actuellement en tournée, mais c'est plus dans le sud et dans l'ouest de la France cette fois-ci. Dans des pays de sauvages, quoi. C'est ça. Et on écoute tout de suite En Friche de Mixion. des choses bizarres, je trouve, quand on pose des types de musique. Ouais, je sais pas, moi j'ai cru entendre Mixion dire. Pas du tout. Pourquoi tu parles de dire? Ouais, mais en fait, c'est parce qu'en fait, oui, je parlais d'un concert où je serai certainement vendredi. Eh ben, c'est dire qui vont se produire ou à coup à la gare Saint-Saul. Au bistrot de Saint-Saul, je crois. Ouais, enfin, au bistrot. Ouais, au bistrot. Ah. De Saint-Saul avec je sais plus qui. Quand le Sinistre Rose et un DJ set. Il y a pas Belger aussi? Non. Ah non, je confonds alors. Et un DJ set du grand ancien Der Gregolini. Il fait une émission sur je sais plus quelle radio lui, où il passe pas mal de BM et de trucs comme ça. Bref, ça va encore être des folles aventures ce vendredi au bistrot de Saint-Saul. Surtout qu'en plus, comme d'habitude dans un pareil endroit, c'est gratos pour l'entrée. Bon, les bières, c'est quand même un peu rush, hein, ils se rattrapent. Hein. C'est un peu comme les restaurants, quoi, ils font leur marge sur les boissons. Voici donc Dire avec Cinéma pour nous. Et 33 minutes à l'antenne de Campus 116,6 et vous écoutez Pion Gang City Rockers numéro 420. On passe plein de musique ce soir, c'est incroyable. C'est clair. Mais moi, je vais passer un morceau de Cuir. C'est une nouveauté et aussi. Mince. Cuir, je pense qu'on n'a plus besoin de présenter ça ici. Tu peux, mais bon. Je peux, c'est un one-man band de Sandpunk de Lorient. Et il vient de sortir un nouveau clip pour un morceau qui s'appelle « Dernière minute ». Et dans le clip, on le voit avec sa fameuse cagoule rose en vinyle, en train de se préparer à courir sur un terrain de course, d'athlétisme. Et en fait, il a tout un attirail de sport rose. Il met les protège-poignets en rose, le bandeau rose. C'est comme qu'il dirait un concept. Hein. Les chaussures roses. Voilà, quoi. Et donc, peut-être que ça prépare un nouvel album, s'il sort un petit morceau comme ça, ou un EP. On verra. En tout cas, on écoute Dernière Minute de Cuir. C'est court, hein. J'espère qu'il y aura d'autres titres comme ça. Ah bon, allez, je passe à Dunkerque maintenant avec Dr Brodsky, et en même temps, je vais ralentir un petit peu. Dr Brodsky, c'est un groupe où on retrouve des anciens de Seven et de Milgram, ex-Milgram Experience, donc c'est lorgné vers le noise hardcore, là, c'est aussi assez noise, mais avec un chant en français. Ça parle de gens qui sont, enfin, qui mirent le pouvoir suprême en France d'ici 2027, et pas, ça n'en parle pas en bien, quoique, à un moment, il y a vraiment un refrain qui est vachement bizarre. Ah ouais. Bon, faut vraiment écouter ce qu'ils racontent. Bah, ils sont anti-FN, anti-RN, hein, mais je sais pas. Enfin, vous allez entendre okay. ça. voici donc Dr Brodsky avec un petit air, entre parenthèses, N-H-A-I-N-E, Dr Brodsky, qui arrive maintenant sur Campus 106,6. Je ne fais que projeter mon ombre délétère, mais parlons l'assumer. Paradis front, couleur comme Bac Nord, les fachos reviennent en force, tout le monde fait dans son Frocknor. Les chemises bleues sont de retour, ça tourne autour de tes vautours. We'll be right back. Jordan Bardella. Oh, oh, oh, oh. Yeah, Jordan Bardella. Oh, oh, oh, oh. Yeah, Jordan Bardella. Ça y est, voilà. Qu'est-ce que tu veux mettre après, Célia? Après, je vais mettre Infra. C'est un groupe de street punk colombien qui vient de Bogota. Infra, il sort son premier LP le 5 février, donc demain, non? Ouais, c'est ça, ouais. Demain. Ils avaient déjà sorti deux démos qu'ils avaient autoproduits, et là, leur LP, il va sortir chez Discos Enfermos. Et on peut déjà l'écouter sur le net, et on va écouter tout de suite Prison Mental de Infra. Cette affaire, punaise, ouais, la basse cool, au début, chavo, quoi. Ouais. Il est 20h44 à l'antenne de Campus 106,6, c'est Pyongyang City Rockers numéro 420. On est avec vous encore pour un peu plus d'un quart d'heure. Voici quelque chose qui va passer ce samedi au... Où déjà? Je sais plus. Oh, ça y est, ouais, où je l'ai foutu? Oui, voilà, c'est samedi à la Tu sais pas, tu peux regarder sur Shpunk. Ouais, exactement, shpunk.org, les bonnes adresses et les bons concerts sur l'île et autour. Donc, à la Malterie, il y aura False Drudge, Chute Libre et Chronic Piste, quatre groupes de hardcore bien vénères, limite power violence par moment, ouais. Dont Chronic Piste qui viennent de quelque part en Allemagne, en Rhénanie du Nord-Westphalie, comme on dit. On ne saura pas plus sur la ville d'où ils viennent, il faudrait demander au mec de Schmecke de False, ça, ils sont ouais, relis. Ouais. voici donc Chronic Piste avec deux titres en 1:23, Too Much Information, suivi de la conséquence quand il y a trop d'informations, on est malade, sick. Chronic Piste. You must c'était quoi cette petite plaisanterie? C'était Sporloper, un groupe de Courtrai, je pense, qui ont fait leur premier concert, ou en tout cas un de leurs premiers, au Pits jeudi dernier. Je devais le passer la semaine dernière, j'ai pas pu, parce que on était pris par le temps, il y avait du monde. Hein. Et le titre là, c'était Night Shop, certainement quelque chose qui doit faire forte impression en live. Il est 52. Bah ouais, c'est ça. C'est fou. Moi, je vais vous parler de DBR. J'avais déjà passé un morceau l'année dernière, à peu près la même période. Bon. C'est un projet solo de soundpunk, eggpunk de Berlin. Cette fois-ci, il s'est entouré de plusieurs musiciens pour enregistrer son album. Et l'album s'appelle Unbearable. C'est sorti en cassette, chez Fantôme. Aussi en cachette, vu qu'on n'arrive pas à trouver ce que signifie DBR, ils le mettent nulle part. Ouais, c'est ils sorti pas... chez Fantôme Records, donc... En cachette. Ouais. Cachette. C'est sorti ce mois-ci, et on va écouter les morceaux Smirched. Smirched. Qui veut dire narquois. C'est de DBR. C'est tout de suite. J'ai oublié un concert qui va avoir lieu ce vendredi au Pits. Il y aura quoi? Il y aura qui? Alors, il y aura premièrement Gura. Mais ça, je l'ai préparé pour la fin de l'émission. Il y aura Monsieur Marcaille avec son violoncelle. C'est ça, un violoncelle. Ouais. Et puis il y aura un DJ qui répond au doux nom de He Who Has Forgotten He Has Alzheimer. Voilà. Ok, voilà. À tes souhaits. Et qui, paraît-il, s'appelle aussi Monsieur Deux Cheveux. Voilà, ça sera au Pits ce vendredi à partir de 19h pour 5€ l'entrée. Et puis, puisque Monsieur Marcaille est dans les stalles de départ, on va pouvoir le lancer. Voici Wall of Death par Marcaille. I wanna make it right. continue avec le Pits avant de céder la place aux émissions suivantes, vu que dans pas longtemps, il y aura quelque chose. en tout cas, pour l'instant, encore un concert au Pits qui va avoir lieu ce dimanche. Ça sera Body Maintenance. Ils viennent de Brisbane, je crois, en Australie. Et en première partie, il y aura Dark Beach. Eux, ils sont bruxellois ou grantois. Tout ça, flambant encore une fois, la musique à la mode. Voici Symphony of Bliss par Body Maintenance qui passeront ce dimanche au Pits. La dame. Vous arrêtez, madame. En même temps, c'est un peu drôle. On a oublié de dire au revoir. Enfin, ouais. Franchement. Non, on a pas oublié de dire au revoir, regarde, on est en train de le faire. Là. Par contre, j'avais pensé que je pourrais passer un titre de Gura, je pourrais pas. Donc, ce sera la semaine prochaine. Enfin, si la trousse suprême nous prête vie. Pour l'instant, donc, sur ce Body Maintenance qui est écorché, on vous dit au revoir. C'est la fin de Pyongyang Tiro Curve. On se retrouve la semaine dernière. On prochaine. Tira... Ouais, prochaine. Oh putain, je suis dans le gaz. Oui, on se retrouve la semaine, dans deux semaines, pour la 421e qu'on tirera au dé. Surtout pour savoir qui parlera. Et puis... Peut-être que je prendrai les manettes. En temps, n'oubliez pas d'écouter les émissions de Radio Campus. À partir de 22h, vous pourrez entendre la douce voix. De qui déjà? Ça y est. Enfin, il y a JD va... après, non? Non, il n'y a pas JD. Ah, il n'y a pas JD. Ah. Et puis bon, après bah... ça, donc il y aura Bibou. Après, puis, c'est ça. Part 22h. Et puis après, il y a plein d'autres bonnes émissions. Restez à l'écoute de Campus 106,6. Et on n'oublie pas. À cab.